19. Idée reçue numéro 3. Lutter contre la piraterie de logiciels, c'est créer de l'emploi. Lu par Chalero. Idée reçue numéro 3. Lutter contre la piraterie de logiciels, c'est créer de l'emploi. L'industrie du logiciel manie aussi les faux-semblants en matière de copies illicites. L'argument dont elle use le plus auprès des gouvernements est celui qui consiste à associer la baisse de la piraterie à la croissance économique. Là où la piraterie trépasse, le PIB s'envole. Tel est le message martelé par l'étude. Pour une économie mondiale plus forte, l'intérêt de la lutte contre le piratage informatique, publié par la Business Software Alliance, BSA, le lobby mondial des grandes entreprises du logiciel, et qui sert de base à quantité de rapports, dont certains rédigés par des élus qui voient dans la lutte contre la contrefaçon un argument électoral. Que dit l'étude de la BSA ? Si le taux de logiciels copiés illégalement dans les entreprises passait de 40 à 30% à l'échelle mondiale, 1,5 million d'emplois seraient créés. La croissance économique engrangerait 400 milliards de dollars supplémentaires, engendrant 64 milliards de dollars de recettes fiscales. Des sommes gigantesques susceptibles de contribuer à relancer une économie mondiale en difficulté, plaide l'étude qui, bien sûr, vise à pousser les États à adopter des législations plus contraignantes. La démonstration de la BSA a toutes les apparences de la vertu. Moins de logiciels copiés, c'est plus de logiciels vendus, donc plus de revenus, d'emplois, de recettes fiscales. Mais encore faut-il décrypter ce que cachent ces chiffres impressionnants. Ainsi, l'étude considère que tout programme qui ne serait plus piraté serait acheté. Ce raisonnement, fallacieux en ce qui concerne la musique copiée, l'est tout autant lorsqu'il s'applique au logiciel. Moins de piraterie mènerait peut-être à plus de ventes, mais certainement pas dans les proportions calculées par la BSA. Surtout, l'étude balaye une des spécificités du marché. La piraterie peut bénéficier aux éditeurs, car l'augmentation de la dissémination des programmes augmente la probabilité d'achats originaux, par effet de contagion. Si beaucoup de gens utilisent Word, posséder ce logiciel facilite les échanges avec l'extérieur, clients, amis, collègues, et évite les problèmes de compatibilité et de standards. Cette caractéristique a été identifiée par l'économiste Lisa Takeyama dès le milieu des années 90 et a été reprise par de nombreux analystes depuis lors. Le propriétaire de droit peut tirer un bénéfice du piratage si son logiciel est caractérisé par des effets de réseau. Ceci existe lorsque l'utilisateur d'un logiciel a intérêt à ce que d'autres personnes utilisent le même logiciel, écrivent les économistes François Lévesque et Yann Meynière. Les éditeurs en guerre contre la piraterie auraient d'ailleurs du mal à nier ce phénomène. Eux-mêmes n'hésitent pas à diffuser gratuitement leurs produits pour bénéficier à plein de ces effets de réseau. Quand Microsoft a voulu expulser Netscape du marché des navigateurs web, n'a-t-il pas distribué données son Internet Explorer ? Avec ce même sens du calcul, Bill Gates affirmait à propos des nombreuses copies sauvages de ses logiciels par les Chinois « Tant qu'ils volent des logiciels, nous préférons que ce soit les nôtres. Ils deviendront en quelque sorte dépendants et nous trouverons bien un moyen de les faire payer durant la prochaine décennie. » De même, nombreuses sont les entreprises à donner gratuitement la version grand public de leur programme, tout en facturant la même version aux entreprises. Dans ce cas, la démarche commerciale est très claire. Les éditeurs tablent sur la pression des salariés, accoutumés à tel ou tel logiciel, pour que l'entreprise soit incitée à investir. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les efforts anti-piraterie des grands éditeurs portent essentiellement sur les firmes. Les obliger à passer à la caisse est bien plus simple que de se lancer dans une traque sans fin aux centaines de milliers d'utilisateurs illégaux à titre privé. Laisser la piraterie individuelle exister tout en poussant les entreprises à payer est bien plus simple et bien plus efficace économiquement. Les copieurs servent alors d'armée de prescripteurs bénévoles. Les hauts cris des éditeurs masquent en fait une réalité bien plus complexe que l'équation « piraterie égale dommage économique ». Ce que défendent les Microsoft, Apple et autres Adobe, c'est en fait le contrôle absolu de leur politique marketing et la possibilité de laisser la copie illicite exister quand elle les arrange.